si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix de mon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Je me tais. Oh, j'apprendrai à écouter la voix. Quand je l'entends, oh, oh, oh, il a payé. Oh, oh, oh. Quand je je t'entends me et ta loi. Chaque pour le corps chante quand je t'ouvre. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta loi. Ta vie à chaque heure, oui, et ta vie, Seigneur, et ta vie, Seigneur, et ta vie. Je te vois, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et dire merci? Dis merci à Dieu ce matin. Seigneur, nous te remercions une fois. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour le sacrifice. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Oh, Seigneur, merci. Saint Dieu très saint, Je m'incline devant mon Seigneur et roi. Alléluia, tu vins jusqu'à moi. Changer toutes choses. Emmanuel, Jésus-Christ, toujours à mes côtés. Mon berger roi, ton regard est sur moi. Emmanuel, Emmanuel. Si étonnant, tu nommes les as. Si ton nom, tu nommes les âmes. De la nuit profonde. De la nuit profonde. Et toujours tu m'aimes. Et toujours tu m'aimes. Tu m'as appelé. Et je te suivrai. Et je te suivrai. Emmanuel. Emmanuel. Jésus-Christ, toujours à mes côtés, toujours à mes côtés, toujours à mes côtés, mon berger roi, mon berger roi, ton regard est sur moi, ton regard est sur moi. Oh, parce que tu es Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Jésus-Christ, toujours à mes côtés. Oh, mon berger roi, mon berger roi, ton regard est sur moi. Emmanuel, Emmanuel. Jésus-Christ, toujours à mes côtés. Oh, mon berger roi, mon berger roi, ton regard est sur moi. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Oh, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce qu'il est Emmanuel. Il est à côté de toi. Il est ton berger, ton roi, Seigneur. Oh, l'imbros et les bas, Seigneur, nous te remercions. Tu es Emmanuel. Tu es à côté de nous, Seigneur. Oh, l'imbros et les bébés, que les chambres. Oh Seigneur, tu viens jusqu'à nous pour changer nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, nous te remercions ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna une fois, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, est-ce que tu Hosanna, Hosanna. Élevez les mains. Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux dire Hosanna au roi des rois? Hosanna dans les lieux saints. Oh, une fois, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna dans les lieux. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna dans les lieux saints. À la croix, à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Il n'y a pas plus grand amour. Oh, tu as conquis la mort. La gloire remplit les lieux très hauts. Qu'est-ce qui peut nous séparer? À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Il n'y a pas plus grand amour. Oh, tu as conquis. Tu as conquis l'amour. La gloire remplit les lieux très hauts. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Quand tu dis, tout est à quand. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Oh, tu traces un chemin. Quand tu dis, tout est accompli. À la croix. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Il n'y a pas plus grand amour. Oh, tu as conquis la mort. La gloire remplit les lieux très hauts. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Oh, tu traces un chemin. Quand tu dis, tout est accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Oh, tu traces un chemin. Oh, tout est accompli. Quand tu dis, tout est accompli. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Est-ce que tu peux chanter le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Il y a la puissance dans le sang de Jésus, dans le nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une certaine puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois la liberté ce matin. Je vois les chaînes tomber. Tu es libéré ce matin par la puissance. Je vois les chaînes tomber. Majesté. Majesté. Je sens la puissance ce matin. Sa présence est ici ce matin. Majesté, levez les mains. Majesté. Une fois, majesté, majesté. Majesté. Nous chantons majesté. Majesté. Par ta grâce. Ta grâce m'a prise tel que je suis. Éterne, tel que tu es ce matin. Mon valeur est pour toi perle de prix. Seigneur, merci pour cet amour qui me prend. Son malheur est pour toi perle de prix. Par ton amour, je suis transformé. Oh, je suis transformé, Seigneur. Oh, présence de ta. J'étais méchant, mais je suis transformé. J'étais mauvais, mais je suis transformé. J'étais pécheur, mais je suis transformé. Oh, par cette puissance, Seigneur, tu m'as transformé. Par le sang, tu m'as transformé. Oh, Seigneur, je suis différent ce matin. Par le sang, Seigneur. Oh, par ton amour, je suis transformé. Sans valeur de ta majesté. Majesté. Majesté. Oh Seigneur, majesté. Majesté. Je suis tel que je suis, tel que tu es. L'homme est pour toi perle de prix. Par ton amour, ton amour, ton amour, je suis transformé. Oh, en présence de ta majesté. Par ton amour, Seigneur. Ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour, par ton amour, par ton amour, je suis transformé. Oh, en présence de ta majesté. Merci ce matin. Il t'aime tel que tu es ce matin. Tel que tu es. Tel que tu es. Veut te transformer. Veut te sauver. Veut te libérer par sa puissance. Oh Seigneur. Merci. Merci. C'est pourquoi nous disons Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Seigneur, Hosanna. Oh, les bros, c'est les mains, calamambros, c'est les mains. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna. Est-ce que tu peux lever les mains? Hosanna. Hosanna dans les lieux. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna dans les lieux. Oh, une dernière fois, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Est-ce que tu peux acclamer pour ces cris de joie? Ces cris de joie. Oh, les mots, c'est bon. Seigneur, nous te remercions ce matin pour le sang, pour le sacrifice. Seigneur, merci pour l'amour sans valeur, tu nous as aimés. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta présence qui est ici ce matin. Seigneur, bénis-nous par ta parole au nom de Jésus et tout le monde dise Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Wow, je suis content de voir. Où sont les autres? Où sont les autres? Ils arrivent, ok. Alléluia. Ce matin, c'est Hosanna, c'est ça, non? On l'appelle comment? Palm Sunday, en français, c'est quoi? Dimanche des rameaux. Ah, ok, ok. Ouais. Ok. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons continuer. Alléluia. Que signifie le salut? Le salut, c'est quoi? C'est le titre? C'est le titre, non? Comprendre le salut. Alléluia. On a parlé beaucoup de comprendre le salut. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, alléluia. La Bible que nous sommes devenus de nouvelles créatures, alléluia. Les choses anciennes sont passées et voici les choses sont devenues nouvelles, alléluia. Et puis dans 2 Thessaloniciens, bien c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, dit quoi? Que quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. Vous devez comprendre que vous êtes esprit. Alléluia. Et vous possédez une âme et vous vivez dans le corps. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4. Verset 12. Hébreux 4, on peut lire ensemble. Ok. Vous êtes là, on va lire ensemble. Donc, il faut chercher. Hébreux 4, verset 12. Ok. Car la parole de Dieu, on commence 1, 2. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Ce verset, c'est ce verset qui nous dit qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce verset qui nous dit que il y a des sentiments qu'on n'arrive pas à exprimer. Mais lorsque tu viens à l'église, la parole de Dieu te montre, identifie ce sentiment. C'est la parole de Dieu qui touche cette partie de ton âme que tu ne peux même pas décrire, tu ne peux pas exprimer, tu ne peux même pas expliquer à quelqu'un. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Pénètre les endroits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, nous sommes esprits. Nous possédons une âme. Et nous vivons dans le corps. Alléluia. Il faut comprendre le salut que tu as. Le salut, c'est le salut de ton esprit. Ton esprit est sauvé. Alléluia. Ton âme n'est pas sauvée. Amen. Ton âme n'est pas sauvée. Ton âme se transforme par la parole de Dieu. Après le salut. Alléluia. Ton corps n'est pas sauvé. C'est pourquoi toujours tu as ces... Ton corps t'amène à faire ces choses. Que tu connais, que je ne connais pas. Yeah. Ton corps n'est pas sauvé. Est-ce que vous comprenez? Et ton corps ne sera jamais sauvé. Yeah. C'est pourquoi le corps va au cimetière. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends ton salut maintenant? C'est compris? C'est simple. C'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est ton esprit qui a le salut. Ton âme se transforme par la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. Sinon, tu vas te comporter de la même manière. Tu auras les mêmes pensées. Alléluia. Tu auras les mêmes pensées. Alléluia. Et tes pensées, l'âme, c'est les pensées, les sentiments, l'intelligence. C'est l'âme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, la Bible dit que tu dois renouveler l'intelligence. Dans Romains 12. Ok? Romains 12. Est-ce qu'on peut voir ça? Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ces versets nous disent que tous les sacrifices que nous faisons, Dieu nous demande de faire, c'est raisonnable. Alléluia. Venir à l'église, c'est raisonnable. S'il faut comparer ça au sacrifice que Jésus a fait sur la croix, c'est raisonnable de venir à l'église. Ou bien, c'est raisonnable de donner un Ghana Cedi comme offrande. C'est raisonnable de donner 1 000 Ghana Cedi comme offrande. C'est raisonnable. Tu ne peux pas comparer ça au sacrifice que le Seigneur a fait sur la croix. Alléluia. C'est raisonnable. Donc, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. Donc, renouvellement de l'intelligence. Renouvellement. Renouveler l'intelligence. C'est là. C'est là. Et cela va changer vos sentiments. Cela va changer vos désirs. Ce que vous désirez. Maintenant, tu désires de mauvaises choses. Mais par renouvellement de l'intelligence, par la parole de Dieu, tes désirs commencent à changer. Et ça s'aligne comme la Bible dit. Il dit quoi? Maintenant, tu vas commencer à discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, tu désires, non, ce désir-là, non, c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et pas le corps est là. Le corps est fort. Alléluia. Le corps est au-dessus. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, et lorsqu'on vient d'être né de nouveau, le corps est toujours fort plus que l'esprit. Alléluia. Et donc, on a besoin de la parole de Dieu pour faire grandir l'esprit, pour que l'esprit puisse contrôler le corps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Parce que le corps veut toujours faire le mal. Le corps. C'est le corps qui nous amène à pécher. Est-ce que vous comprenez? C'est le corps qui nous amène. Et le diable sait. Donc, il prend avantage de notre corps. Il sait. Et nous décourage de développer l'esprit. Te décourage de développer ton esprit. Te décourage de prier. Te décourage de lire la Bible. Il te décourage de venir à l'église. Il te décourage de venir aux réunions. Ah. Et toi, si tu es content que tu ne viens pas, tu es content de donner les excuses. Yeah, tu es content. Oh, le pasteur va comprendre. Oh, le frère il va comprendre. Tu ne sais pas que c'est toi-même qui te fais du mal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Reste une semaine sans manger, tu vas voir comment le corps va souffrir. C'est la même. Lorsque l'esprit ne mange pas, l'esprit souffre. Parce que le corps domine l'esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Yeah. Yeah. Alléluia. Donc, pour développer l'esprit, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la prière. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2:2. Comme enfant nouveau-né, désirez la parole de Dieu, bien le lait pur qui t'amène à grandir, à croître. Alléluia. À grandir, ton esprit grandit. Ton esprit fait des exercices par l'analyse de la parole de Dieu, par la méditation. Et ton esprit exerce dans la parole de Dieu. Et maintenant, il puisse discerner entre le mal, ce qui est la volonté, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est comme le corps, tu fais des exercices. Tu finis de manger, tu fais des exercices. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez? Donc, ton salut, ton esprit qui est né de nouveau. Pas ton corps. Donc, il ne faut pas être surpris lorsque ton corps a le désir mauvais là. Yeah. Tu auras toujours ces désirs. Yeah. Ces désirs du corps là, tu les aurais toujours. Mais alors que ton esprit grandit, tu arrives maintenant à dire que non, ça là, ce n'est pas un bon désir. Tu arrives à dire non, tant qu'on ne fait pas ça, ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas. Yeah. Ton esprit maintenant commence à contrôler ton corps. Mais si tu laisses ton esprit comme un bébé, oh, toujours le corps va lui dire, ne fais pas, fais. Vole, pend. Oh, c'est bon, tu n'as pas d'argent. Mais l'argent te présente maintenant. Tu as prié, non? Regarde l'argent de quelqu'un. Prends. Et donc, ton esprit n'a pas la parole de Dieu qui dit non. La parole de Dieu dit non, ne vole pas. Ça ne t'appartient pas. Ton esprit n'a pas cette parole pour dire au corps non, c'est pas correct. C'est pas correct. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. C'est pourquoi les gens sont surpris. Tu vois un grand homme de Dieu, dit l'homme de Dieu a fait ça. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu a fait ce péché. Il ne faut pas blâmer l'homme de Dieu. Il ne faut pas critiquer l'homme de Dieu. Il est dans le corps, comme dans ton corps. Il a les mêmes désirs. J'ai les mêmes désirs que tu as. Yeah. Le corps n'est pas sauvé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On a tous les mêmes désirs. Mais la différence que l'esprit, quel est le statut de l'esprit? Alléluia. Quelle est la maturité de l'esprit que tu as? C'est ça qui fait la différence. Vous comprenez? C'est compris? Yeah. Donc ne sois pas surpris. Dimanche passé, je disais que c'est ce qu'on appelle la surprise chrétienne. Yeah. La surprise chrétienne. On est chrétien. Oh, le gars là, c'est mon berger. Et pourquoi il a fait ce péché là? Ne sois pas surpris. Si tu comprends que il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps, tu vas prier pour cette personne. Et prier pour toi-même, Seigneur. Je prie que, Seigneur, que cela ne m'arrive pas. Yeah. Tu vas prier, tu ne vas pas critiquer les autres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. Donc ce matin, en fait, je voulais parler du sang. Le sang de Jésus. Yeah. Vous voyez pourquoi vous acclamez? Vous savez pourquoi vous acclamez? Parce que le sang de Jésus est différent des autres sangs. Yeah. Yeah. Automatiquement, c'est comme... Ah, le sang, là, pourquoi tu es en train d'acclamer pour le sang? Parce que c'est différent des autres sangs. C'est différent des sangs, du sang d'un poulet. Yeah. Si quelqu'un qui a dit d'amener le sang d'un poulet, il ne faut pas amener. Il faut amener un poulet là, non. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dans le sang. Le sang. Pourquoi le sang de Jésus est précieux? Alléluia. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre. Ok? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. 1 Pierre chapitre 1, verset 18-19. On va lire beaucoup de versets pour vous montrer. Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, et comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation de ce monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Wow. À cause de toi. À cause de toi. Alléluia. Le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux. Hébreux chapitre 9. Hébreux. J'ai presque fini. Ok. Hébreux chapitre 9. Ok, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas de cette création. Ok, et il est entré une fois par toutes, ok, pour toutes, dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des sangs des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Waouh! Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sacrifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Wow. Le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des veaux, ton sang, c'est différent du sang de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Yeah, le sang de Jésus est plus supérieur, plus précieux, pur que les autres sangs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, le sang. Le sang de Jésus. Il y a beaucoup de types de sang que le verset, la Bible parle de beaucoup de sang. Alléluia. Sang de Abel. Vous connaissez Abel? Sang de Abel. On n'aura pas le temps pour lire tous ces versets. Sang de Abel. Dans Matthieu. Sang de des saints et des prophètes. Hein? Sang des boucs et des veaux. Qu'on vient de lire. Sang des serviteurs. Le sang des princes. Hein, dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 18. Sang des princes. Sang, le sang de quoi? Des enfants d'Israël. Ézéchiel 35, verset 5. Hein, sang de Zacharie. Matthieu 23, verset 35. Est-ce que vous êtes là? Il y a beaucoup de sons. Hein? Donc la Bible nous donne sang du juste, sang du méchant, sang de la guerre, sang de Naboth. Beaucoup de sang dans la Bible parle. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur? Le Seigneur dit que le salut vient toujours par le sang. C'est pas le sang. Alléluia. Yeah. Et on a besoin d'un sang qui est plus, il est plus précieux, pur, sans défaut. Est-ce que vous comprenez? Sans défaut. On dit que le Seigneur a été tenté, Jésus a été tenté, mais n'a pas péché. Alléluia. Yeah. N'a jamais péché. Quelque part, la Bible dit que parce que le Seigneur veut sentir comment nous sentons, c'est pour qu'il a envoyé Jésus. Pour venir vivre comment. Comment on dit le français là, j'ai oublié. Alléluia. Pour expérimenter les mêmes sentiments que nous avons. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Donc il a dit le salut vient toujours par le sang. Et le sang de Jésus est plus supérieur. Le sang de Jésus. Et je vous ai parlé du fait que avant, c'est le sang des boucs et des chevaux qu'on amenait pour le salut des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. C'est le sang, pas le sang. Alléluia. Lévitique chapitre 17. Lévitique. On va continuer la semaine prochaine, ok? Parce qu'on doit, il y a quelque chose qu'on doit vous, on va montrer à la fin du culte, ok? Une petite vidéo avant de partir. J'espère. Allez, il est là? Non, il est là. Ok. Lévitique chapitre 17, verset 11. Lévitique. Le troisième livre de la Bible. Okay. Car l'âne, Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair dans le sang. Alléluia. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Wow. Quelle est l'explication de expiation? C'est quoi? Expiation, c'est quoi? Les francophones. Expiation. C'est quoi? Ok, j'ai un petit dictionnaire ici là. Expiation. Oh, c'est en anglais. Act of making amends. Reparation of guilt or guilt, wrongdoing. Act of public expiation. Ok, ça veut dire quoi? Act of making amends. Reparation. Réparation hein, de ce qui a été détruit. Hein? Un acte pour making amends. Amend. Non. Pour amend. Restaurer. Non, amend. Amendment. Hey, vous ne connaissez pas ce mot-là. Francophone. Par exemple, un document, tu fais un document, on dit, oh, amend the document with these corrections. Amend. Ça veut corriger en fait. C'est une correction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amend. Amend, c'est corriger. Ok? Donc, un acte pour corriger les défauts. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est par l'âme que le sang fait les corrections, réparation. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yes. Yeah. Yeah. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Ok. Et presque tout d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Yeah. Alléluia. Sans effusion, sans le sang couler, il n'y a pas de pardon. Donc le salut vient par l'écoulement de sang, par le sang. Parce que la vie est dans le sang. Vous savez ça? La vie est dans le sang. Vous ne savez pas? Il y a les versets ici. La vie est dans le sang. Ok? Le verset, le chapitre Lévitique. Ok, on vient de Lévitique. Chapitre 17, verset 14. Je prends le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est dans le sang. Qui est elle? Qui est en elle? Ok? C'est pourquoi je vous dis, j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de cette chair, c'est son sang. Quiconque mangera sera retranché. Yeah. Est-ce que vous avez compris? Yeah. L'âme là-bas, c'est la vie. La vie, la vie du corps, c'est dans le sang. C'est ce que la Bible est en train de dire. Yeah. La vie, c'est dans le sang. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Le sang donne vie. C'est pourquoi lorsque son sang est en train de couler, on doit remplacer le sang à l'hôpital. Yeah. Si le sang coule, tu es blessé, puis le sang coule, tu vas mourir. Parce que la vie, c'est dans le sang. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. La vie dans le sang. Il y a beaucoup de types de sang. Non, pas encore. Il arrive. Ok. Hein? Le type de sang, le type de sang que tu as, c'est différent de l'autre personne. Tout le monde est différent. Est-ce que vous comprenez? Donc, si moi, le sang que j'ai, c'est différent de ton sang. Je ne peux pas te donner le même sang. Vous comprenez, non? Yeah. Donc le sang de Jésus est différent de tous ces sangs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Donc la vie se trouve dans le sang. Donc Dieu a décidé que le salut vienne par le sang. Le pardon vient par le sang. Sans le sang, tu n'as pas le pardon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Sans le sang, tu n'as pas le pardon. Tu n'as pas de pardon. Tu n'as pas de pardon. Tu n'as pas de pardon. C'est pourquoi Hébreu dit. Hébreu. Tu n'as pas le pardon. Alléluia. Donc, on a besoin du sang de Jésus. Parce que avant, c'est le sang des boucs, le sang des chevaux, hein, et le sang des boucs qu'on donnait avant. Pour le pardon du peuple d'Israël. Alléluia. Mais maintenant, le sang de Jésus est venu pour remplacer qui est le sang qui est supérieur, qui est différent des sangs des hommes, le sang des animaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, par le sang de Jésus, tu es pardonné, tu es sauvé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, ce matin, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le sang? Là où il y a le sang, il y a la vie. Si tu n'as pas le sang de Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes ici? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. Je pense que on n'est pas prêt. Non, pas encore. Nous voulons montrer une petite vidéo. Ok. Mais on attend. Alléluia. Ah, ok. Ok. Alléluia. Ok. Donc, Hébreux 2, verset 3. Hébreux 2, verset 3. Car la parole, si la parole annoncée par les anges, verset 2. A eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Alléluia. On ne s'appellera jamais. Hein? On ne s'appellera jamais au salut si on n'a pas le sang. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a besoin du sang de Jésus. Alléluia. Parce que c'est au-dessus de tout autre sang. Et c'est par le sang qu'on reçoit le salut. Alléluia. Notre religion, ok, on va prendre le christianisme, c'est la seule religion qui parle du sang. Que le sang donne le pardon, le sang donne le salut. Alléluia. Il n'y a pas de religion qui parle de sang, qui donne le salut. Alléluia. Il n'y a pas de religion qui dit qu'un homme s'est sacrifié. Hein? Est-ce qu'il y a un homme qui est sacrifié pour le péché de tout le monde? Il n'y en a pas. C'est le christianisme, c'est la seule religion qui parle du sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. On va continuer la semaine prochaine, ok? Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Au moins un aperçu du sang. La semaine prochaine, on va aller un peu plus. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Levez-vous, s'il vous plaît. On est en train de voir le temps pour essayer de vous montrer la vidéo avant de partir. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame pour Jésus. Acclame pour lui. Alléluia. Fermez les yeux. Ce matin, tu es ici. On a parlé un peu du salut. Comprends le salut. On a parlé un peu de l'esprit, ton esprit, l'âme. On a expliqué un peu ton corps. On a parlé un peu du sang de Jésus. C'est par le sang qu'on a le pardon. Ce matin, quel que soit ton péché, les péchés que tu as faits dans le passé, quel que soit, le sang de Jésus peut te sauver. Peut te sauver. Les hommes ne vont pas te sauver, ils vont te mettre en prison. Ils ne vont jamais te pardonner, à moins que tu pèses en prison. Mais le Seigneur est venu pour te délivrer. Mais ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est ton esprit. Alléluia. Donc ce matin, tu es là. Tu sais que ton esprit n'est pas sauvé. Ce matin, tu peux être sauvé. La Bible que si tu crois et tu confesses, tu es sauvé. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, si tu crois qu'il a versé le sang pour toi, pour laver tes péchés, c'est un grand miracle. Grand miracle. D'être lavé par le sang de Jésus. Et ce matin, tu réalises que non, tu n'as pas le sang. Tu n'as pas le salut. Mais tu veux donner ta vie. C'est une opportunité ce matin pour toi de recevoir le salut. Donc si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Va prier. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci. Merci. Merci. Les yeux fermés s'il vous plaît. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Lève la main pour recevoir le salut ce matin. Quel que soit le péché, le Seigneur, c'est pourquoi il s'est sacrifié. Et on a l'opportunité. Mais demain, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais aujourd'hui, on sait. On sait. On sait. Un jour, tu feras, nous ferons face au jugement, au trône de jugement, pour faire un compte de nos vies. Et c'est là la décision, on va décider qui va en enfer, qui va au ciel. Et seules les personnes qui ont donné leur vie, qui ont le salut, iront au ciel. Et si tu es là ce matin, est-ce que tu peux tu lever la main avec les autres, les frères, les sœurs qui ont levé la main, tu peux lever la main aussi. Et on va prier ensemble et tu vas recevoir le salut. Merci mon frère, merci. Merci. Tu as l'opportunité maintenant, demain tu ne sais pas. Demain tu ne sais pas. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Va prier. Viens mon frère, viens. Viens, on va prier. Mon frère, viens. Viens. Bien, merci ma soeur, merci. Merci. Merci. Yeah. Fermez les yeux, fermez les yeux. Vous tous, fermez les yeux. La présence de Dieu est là pour te toucher, là où tu es. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci Seigneur. Ceux qui sont devant, s'il vous plaît, répétez après moi. Dis Seigneur, je te remercie. Et tout le monde peut répéter, s'il vous plaît. Dis Seigneur, je te remercie pour m'avoir aimé. Ce matin, je crois que Jésus a versé le sang pour moi, pour mes péchés. Et ce matin, je le confesse. je le déclare. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec ce sang. Comme ta parole dit que je deviendrai blanc comme la neige. Seigneur, lave-moi par ce sang précieux. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je vais te donner toute ma vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, tout le monde dise Amen.